Radio Campus, il est midi. Attention s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Qu'il attende la présentation. Ah. Bonjour. Bonjour, il est midi sur Radio Campus. Et ce samedi 16 mars, et que ce soit sur 106,6 MHz, DAB+, ou campusil.com, vous vous préparez à écouter Angle d'attaque. Bonjour. Une émission proposée par les trois comités locaux Attaque de la métropole lilloise. Allô. Attaque A2TAC. Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne, une action d'éducation populaire altermondialiste. Avec au pupitre Florent, maître du temps de la pause musicale et du calendrier militant, au micro avec leurs questions Morgane le billettiste, Didier le nouveliste et Christian qui est au micro, là, voilà. De quoi parlons-nous aujourd'hui ? Nous parlons d'industrie, figurez-vous. Une part de notre économie en baisse dans le produit intérieur brut depuis quand même pas mal de temps, divisée par deux dans ce que j'ai pu voir depuis 1970. Notons que la part de l'industrie en France est de 16% aujourd'hui, selon Eurostat, contre 23% en Allemagne, en Autriche et plus encore dans des pays comme la Norvège. D'où question, est-ce que notre industrie a un avenir ? Pas un avenir de celle qui fait vivre, non sans souffrance, des dizaines de millions de travailleurs près de deux siècles. Non, une industrie souhaitable, respectueuse de l'environnement et des humains. L'industrie que nous voulons, en fait, ceci pour être raccord avec le thème de notre série audio, ce que nous voulons, CQNV. Pour en parler, nous avons en ligne un des partisans les plus fervents de la refonte de l'industrie française depuis près de 10 ans maintenant et qui a publié avec l'association du Manifeste une nouvelle mouture de son manifeste pour l'industrie en 2022. Manifeste sur lequel on a bossé tout cela. Bonjour Gabriel Colétis, c'est un plaisir de t'avoir en ligne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir sollicité. Effectivement, tu as parfaitement raison. Je suis un fervent défenseur de l'industrie. Je considère en effet qu'un pays développé ne peut pas le rester s'il ne dispose pas d'une base productive suffisamment puissante et répondant aux besoins. Alors, notre association s'appelle bien Manifeste pour l'industrie, mais je tiens à préciser que dans notre association, il y a pas mal de gens chez nous qui cherchent aussi à promouvoir une autre agriculture. Donc aujourd'hui, on va parler d'industrie, mais ce dont nous avons besoin, c'est un renouveau, une renaissance de toutes nos activités productives en France, industrie comme agriculture. C'est d'ailleurs ce qui nous avait surpris dans votre manifeste, qu'il était question de l'agriculture, mais quand on lit le manifeste, on comprend bien pourquoi elle y est en bonne place. Oui. Bien, je pense que c'est Didier qui va poser la première question. Oui, et donc sur le... On s'est quand même rendu compte de l'importance justement de la production et de l'industrie à propos de l'épidémie de Covid et du confinement. Donc, bon, on avait quand même, on manquait un peu de tout et tout était fabriqué à l'extérieur. Est-ce que est-ce que ces années-là, disons de 2020 à 2021, ont replacé l'industrie au cœur des préoccupations ? Oui, alors je crois que la réponse est évidemment positive parce que, ceci a été dit à l'instant, on a manqué véritablement de tout. Hein. On a manqué aussi bien de produits de base comme les fameux masques qui n'étaient pas disponibles et qu'on a dû importer en catastrophe. Mais ça va bien plus loin que ça. Ça va jusqu'aux respirateurs qui sont nécessaires pour simplement permettre la respiration de gens qui ont des difficultés pulmonaires. Et on peut aller jusqu'au vaccin qu'on a été incapable de produire en France, Sanofi n'ayant pas fait les investissements nécessaires et dans la bonne direction. À l'époque, lorsque cette épidémie a été déclenchée, au bout d'un an, comme je suis économiste, j'ai fait un petit calcul, qui est un calcul macabre, je dois dire, hein, qui est finalement de comparer le taux de mortalité en France et le taux de mortalité en Allemagne. Et je me suis aperçu que le taux de mortalité en France était beaucoup plus élevé qu'en Allemagne, hein, pendant un an de crise Covid. Et ça, c'est un résultat qui est très surprenant d'une certaine manière parce que on sait que les personnes qui, malheureusement, sont décédées sont des personnes plutôt d'un âge supérieur à 65 ans. Or, la population allemande est une population qui est vieillissante, qui est nettement plus vieillissante que la nôtre. Hein. Bien sûr. Oui. Et voilà. Et donc, on aurait dû avoir un taux de mortalité beaucoup plus élevé pour des raisons démographiques, donc, hein, en Allemagne qu'en France. Et il n'en a rien été. C'est en France que le taux de mortalité est beaucoup plus élevé. Et ça, c'est le résultat très direct, très, très immédiat de la différence de réaction des deux industries. C'est-à-dire que l'industrie allemande a été capable de répondre à la crise sanitaire et de produire tous les biens industriels, y compris les vaccins qui ont été mobilisés, alors que l'industrie française a été dans l'incapacité absolue de faire cela. Et donc, on a eu en France une mortalité beaucoup plus élevée qui est directement le résultat de la désindustrialisation française. Oui, on va venir justement à cette désindustrialisation avec des choix de délocalisation, des choix de financiarisation de l'économie. C'est tout ça, en fait, qui a fait que la France s'est désindustrialisée, même s'il y a ces dernières années quelques rebonds de... On pourra parler de l'éventuel rebond tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est un processus, ça a été dit hein, au début de l'émission, hein, très bien d'ailleurs. C'est un processus qui vient de loin, hein, en fait, hein, qui vient des années 70. Et effectivement, 2 millions d'emplois industriels ont été détruits en un demi-siècle, donc c'est considérable. Hein, la part de l'industrie dans la valeur ajoutée, c'est effondré. Après, ça dépend comment on définit le périmètre de l'industrie. Est-ce qu'on met le bâtiment, le travail public dedans ou pas? Enfin, bon, peu importe. On peut grosso modo considérer que la part de l'industrie dans le PIB a été divisée par deux, effectivement, sur ces 50 dernières années. Donc, c'est véritablement une hémorragie. Donc, dans le livre que j'ai pu publier il y a quelques années de cela, j'ai essayé d'analyser les causes de cette désindustrialisation qui sont malheureusement très nombreuses et qui font système. Hein. Il n'y a pas une cause unique, mais je pense que en effet la financiarisation accentuée des grands groupes français, leur stratégie de délocalisation maintenant bien documentée, hein, ce qui n'a pas toujours été le cas, montre que finalement la relation entre ces grands groupes et le tissu industriel français c'est beaucoup étiolé. Aujourd'hui, certains de ces groupes, d'ailleurs, restent producteurs en France, mais ils sont très, très nettement aussi importateurs. Hein. Je veux parler en particulier des groupes de l'automobile, dont une bonne partie de la gamme a été délocalisée il y a longtemps, comme on le sait. Hein. Donc la financiarisation, c'est-à-dire la recherche du profit maximal, hein, pour le dire comme ça, la financiarisation est une cause essentielle, en fait, de la désindustrialisation, puisque c'est précisément cette financiarisation qui est à l'origine d'un certain nombre de choix stratégiques, et en particulier de choix de délocaliser une partie très importante de l'appareil productif. Une autre question de Didier. Oui, on a parlé d'automobile. Pour beaucoup de gens, le retour, la réindustrialisation, c'est quand même aussi au niveau écologique, quelque chose qui évoque un peu les Trente Glorieuses et l'industrie polluante. Moi, je me souviens d'un débat entre vous et Jean Gadret il y a quelques années, où justement Gadret défendait un peu ce côté écologique, alors que vous étiez plutôt sur une réindustrialisation assez massive. Bon, si on peut comprendre que l'indépendance d'un pays dépend de son industrie, on peut aussi nourrir des craintes quant au risque justement écologique de cette réindustrialisation possible. De réimporter de la pollution, en fait. Oui. Alors, je comprends bien les réserves et les interrogations que l'on peut avoir, et je me souviens très bien du débat avec Jean Gadret, mais moi, je ne suis pas du tout pour une réindustrialisation polluante, hein, vous le comprenez bien. Hein. Ouais. Donc, pour moi, c'est un tout autre modèle industriel qu'il faut développer. Il ne s'agit pas de relocaliser à l'identique, en quelque sorte, des productions que l'on a délocalisées précisément dans des pays de délocalisation qui ne respectent pas véritablement les normes écologiques. Hein. Donc j'ai pu dire ou écrire souvent que la compétitivité de l'industrie française, elle sera écologique ou elle ne sera pas. Donc il est très clair qu'il ne faut pas opposer, mais au contraire, combiner industrie et écologie. Le fait de ne pas produire en France est la pire des solutions. Pour améliorer en quelque sorte l'empreinte carbone, on importe des produits chinois plutôt que de les produire nous-mêmes, c'est une double erreur. Hein. C'est une première erreur parce que les produits chinois eux-mêmes sont produits dans des conditions déplorables. Hein. On ne sait pas suffisamment en France que la production électrique chinoise est une production qui est effectuée avec des centrales thermiques qui fonctionnent au charbon. Donc les voitures qu'ils vont vendre sur le territoire européen sont des voitures qui ont été produites dans des usines qui utilisent une électricité qui est particulièrement sale. Et par ailleurs, comme on le sait très bien, tous ces produits qui sont importés, ont une empreinte carbone qui est liée à leur transport, qui est tout à fait considérable. Donc aujourd'hui, les bilans qui sont faits carbone concernant la France montre bien que l'essentiel de l'empreinte carbone vient des importations et non pas de la production nationale. Donc il ne s'agit pas du tout de développer une production nationale qui serait plus polluante que nos importations. Il s'agit au contraire de développer une industrie nationale beaucoup moins polluante, réduire l'empreinte carbone, puisque cette empreinte carbone résulte de process de fabrication dans les pays de délocalisation qui sont sales et qui s'accompagne d'une empreinte carbone liée au transport. D'accord. Une question de Morgane. Oui, alors ça tombe bien de parler d'industrie chinoise qui marche aux centrales thermiques. Justement, si on parle de réindustrialisation en France, en fait, l'industrie est quand même très, très gourmande en énergie. On parlerait dans ce cas-là de quel type d'énergie ? Est-ce qu'on parle par exemple de nucléaire, mais avec un parc nucléaire français qui est vieillissant, et des nouvelles technologies qui devraient arriver mais en 2050-2070, donc quand même un horizon lointain, ou avec du renouvelable, mais sachant que par exemple l'éolienne, on sait pas bien le recycler, qu'on est quand même un peu dépendant de l'extérieur et que derrière, c'est une demande qui est quand même en explosion, en fait. Oui. Alors, je pense que la réponse principale, elle est économiser l'énergie. Hein. Après, on peut se poser la question, on doit se la poser, hein, de la manière dont on la produit. Mm-hmm. Mais il est clair que la question de l'économie d'énergie et de l'économie, d'ailleurs, de consommation électrique est une question tout à fait centrale. Hein. Et cette question, elle se pose absolument dans tous les domaines, hein. Et en particulier dans le domaine du logement. Hein. Donc il y a une campagne qui a été promue il y a longtemps de ça, et aujourd'hui le gouvernement revient dans le même sens en quelque sorte, hein, qui est ben, il faut installer plutôt des pompes à chaleur. Bon, une pompe à chaleur, ça consomme l'électricité, ça ne fonctionne pas tout seul, une pompe. Hein. Donc voilà, on se pose des questions comme celle-là concernant le logement, mais la première façon d'économiser l'énergie et l'énergie électrique dans le logement, c'est d'isoler les logements. Hein. Donc on a une capacité, un potentiel de diminution de la consommation d'électricité qu'il faut traquer absolument partout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se résoudre à se dire on va consommer de plus en plus. Ça, c'est pas possible. Hein. Donc il faut, sans doute, il y a des domaines dans lesquels, surtout si on développe l'industrie, la demande d'électricité va augmenter. Mais il est clair qu'il y a d'autres domaines dans lesquels la demande d'électricité doit absolument baisser. Donc ma première réponse, c'est d'abord de dire réfléchissons à tous les secteurs, toutes les activités dans lesquelles on peut faire des économies. Économie d'électricité, économie d'énergie, économie de matière. C'est évidemment central pour la planète de ne pas chercher à prélever sans cesse davantage, mais à être dans une logique de sobriété. Alors ça, c'est un premier point. Après, s'agissant donc de la production d'électricité, je crois qu'en France, on a une sorte de tropisme sur une solution unique. La solution unique, ça a été pendant un moment assez long d'ailleurs, hein, le tout pétrole, et puis après, le tout nucléaire. Je crois qu'il n'y a pas de solution unique. Les utilisations de l'électricité sont extrêmement diversifiées. Eh bien, les modes de production de l'électricité doivent être diversifiés également. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se reposer sur une solution unique qui serait les renouvelables, pour des raisons évidentes. Enfin, si elles ne sont pas évidentes, on pourra revenir dessus. Mais on ne peut pas non plus s'appuyer uniquement sur le nucléaire. On ne peut pas s'appuyer sur le nucléaire pour beaucoup de raisons, pas uniquement sur le nucléaire. Le nucléaire a sa place. Tout à fait, hein, dans le mix énergétique électrique, mais il ne peut pas être la solution unique pour deux raisons. La première raison, c'est parce qu'on a quand même un très gros problème non résolu, et je ne suis pas sûr qu'il soit en voie de résolution, qui est le problème du traitement des déchets. Donc ça, ce n'est pas du tout un problème secondaire, c'est un problème extrêmement important, parce que qu'est-ce que nous laissons aux générations futures, hein, ça, c'est la question du développement durable. Hein. On ne peut pas satisfaire nos besoins actuels en sacrifiant ceux des générations futures. Donc aussi longtemps que la question des déchets n'est pas résolue, reste une interrogation majeure sur la filière nucléaire. Et par ailleurs, l'appareil de production nucléaire est un appareil qui produit de l'électricité de manière absolument constante. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas débrancher une centrale nucléaire en considérant que vous n'en avez pas besoin. Donc une centrale nucléaire, ça produit de l'électricité en continu pour des raisons que je ne vais pas expliquer maintenant. Or, il y a quand même des pics et des creux de consommation. Et donc, on ne peut pas avoir un appareil qui fonctionne de manière constante avec une consommation qui, elle, évolue avec des pics et des creux. Donc, on voit bien que, quelle que soit la source d'énergie électrique, elle pose donc des problèmes. Et donc, la solution est à la fois d'économiser l'énergie électrique et en même temps d'avoir un bouquet énergétique diversifié et ne surtout pas faire le choix du tout quelque chose, que ce soit du nucléaire ou du renouvelable ou autre chose. Un mot peut-être aussi pour des gens qui sont effectivement plutôt pro-nucléaire et industrie unique de la production d'électricité, c'est les chambres de commerce et l'industrie en route vers son futur, qui est défendu par les chambres de commerce et le service dont j'ai oublié le nom d'ailleurs. Donc c'est concurrent du manifeste d'une certaine façon, mais je dis ça en rigolant. Oui. La Chambre de commerce et d'industrie, ce sont des institutions. Hein, le manifeste pour l'industrie est une association qui est issue de la société civile, donc oui. On n'est pas du tout dans les mêmes logiques. Hein. Bon, voilà, les CCI, de manière générale, il n'y a pas vraiment lieu, matière, à les incriminer. Je crois qu'elles portent en quelque sorte un discours ou un message dominant. Et le message, le discours dominant, en effet, il est basé sur la numérisation, sur le progrès technique. On va mettre des robots partout, donc on va pouvoir relocaliser. Et en même temps, il faut se battre sur les prix parce que la compétitivité se joue sur les prix. Voilà, donc c'est un message qui est très ancien, hein, qui accompagne la politique de l'offre, hein, de manière générale. Voilà. Et nous, on pense que, enfin, quand je dis nous, c'est le manifeste pour l'industrie, on pense que la réponse est vraiment très courte, voire même la réponse est biaisée. Hein. Est-ce que véritablement la numérisation crée beaucoup d'emplois? Est-ce que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, et surtout demain, mais déjà aujourd'hui, hein, va créer énormément d'emplois, comme un rapport récent le suggère, on peut franchement avoir des doutes. Plutôt que d'investir dans l'intelligence artificielle, il faudrait peut-être investir davantage dans l'intelligence humaine, dans la créativité des hommes, plutôt que... Je pose pas nécessairement, hein, je dis pas qu'on n'a pas besoin de d'outils techniques, on en a évidemment besoin, simplement ils doivent être au service de l'humain, et pas se situer dans une perspective de, comment dire, de substituabilité. Hein. Voilà. Quant à la compétitivité prix, là, c'est la pire des compétitivités. D'ailleurs, les produits français ne sont pas si compétitifs par les prix que ça. Quand on parle de compétitivité prix, en fait, ce qu'on a à l'esprit, ce que une grande partie du monde dirigeant a à l'esprit, c'est plutôt une compétitivité par les coûts. Donc on cherche à baisser les coûts sous prétexte d'être compétitif par les prix. Mais en réalité, on voit bien que quand les entreprises diminuent leurs coûts, elles ne baissent pas leurs prix, elles accroissent leurs marges. Ouais. Alors encore, on pourrait s'en féliciter et dire bah, c'est très bien, avec les marges qu'elles font, elles vont investir du feu de Dieu. La réalité, c'est que l'essentiel des marges, comme on le sait, hein, on a vu les résultats du CAC 40 la semaine dernière, l'essentiel des marges est absorbé par les actionnaires, sous forme de dividendes, sous forme une forme un peu plus compliquée, qui est le rachat d'actions par l'entreprise elle-même, de manière à ce que la valeur unitaire des titres augmente. Enfin, au final, tout ça, ça part dans la poche des actionnaires. Donc cette compétitivité prix, on la met toujours en avant, c'est une mauvaise compétitivité d'ailleurs, mais en réalité, ce qu'il disait, c'est pas la compétitivité prix, c'est la compétitivité coût pour améliorer les marges et le retour pour les actionnaires. Nous même profiter de l'inflation pour augmenter les marges. Et c'est exactement ça, oui. On va passer au manifeste, donc on devrait bien avoir maintenant une vue d'ensemble pour nos auditeurs du manifeste. Comment il s'est construit, comment il est construit plutôt? Alors en fait, le manifeste, c'est une assez longue histoire. L'histoire commence, expliqué très brièvement par un article que j'ai publié dans Le Monde, je crois, en 2013. Voilà, et qu'un certain nombre de personnes ont pu lire, et ces personnes ont suggéré de signer le texte en question, parce qu'elles se reconnaissaient dans ce qui était écrit. Donc Le Monde a bien voulu recueillir ce qui n'était pas prévu au départ, les signatures en question. Donc voilà, c'est passé comme ça. Et puis donc ces personnes-là, un jour m'ont dit, bah, écoutez, on devrait peut-être créer une association, parce que écrire un article comme ça, signer cet article, en faire un manifeste, c'est bien, mais il faudrait quelque chose de plus pérenne. Donc l'association Manifeste pour l'Industrie a donc été créée, je crois, en 2015, si je ne m'abuse. Voilà. Alors aujourd'hui, comment fonctionne-t-elle, hein? Cette association, eh bien, elle fonctionne d'abord ses adhérents. Qui sont-ils? Ben, ce sont des gens de la société civile, comme vous et moi. Et donc, il y a des universitaires, il y a des gens qui travaillent dans des entreprises. Parmi ceux-là, il y a des syndicalistes de différents syndicats. Il y a des étudiants. Il y a des gens qui sont à la retraite, enfin voilà, donc des gens en tout cas qui ont comme un dénominateur la conviction qu'ils partagent que l'on a absolument besoin d'une industrie forte en France, mais que l'industrie actuelle, en tout cas telle qu'elle a fonctionné, n'est pas satisfaisante. Donc ce sont des gens qui réfléchissent effectivement à l'industrie que nous voulons, pour reprendre l'intitulé de votre émission d'aujourd'hui. Hein. Mmh. Donc, les différents éléments que vous pouvez trouver sur le site du Manifeste pour l'Industrie, parce qu'il suffit de taper Manifeste pour l'Industrie, voilà. Oui, ça suffit, oui. Voilà, ça sort à ce moment-là. Mmh. Ce que vous voyez en tête, eh bien, ce sont les préconisations que nous avons produites, effectivement, groupe de préconisations. les préconisations que nous avons produites pour les dernières élections présidentielles et législatives. C'est comme ça que l'on a travaillé. Donc, on a identifié un certain nombre de thèmes sur lesquels on a voulu travailler et faire des préconisations, proposer des préconisations. Et ces préconisations, en fait, on les a envoyées à tous les partis politiques, sauf un. Voilà, avec lequel on ne souhaite pas, on souhaite toujours pas avoir de relation. On aura voilà, deviné donc, lequel. Oui, je pense qu'on devine assez aisément lequel. Voilà, donc on a envoyé ces préconisations aux partis politiques. Donc certains d'entre eux ont répondu très sérieusement à nos préconisations en disant que voilà, ils avaient déjà intégré dans le programme, ou ils étaient d'accord ou ils n'étaient pas d'accord. Voilà. Donc on a eu un dialogue avec trois ou quatre partis politiques. Voilà. Et donc c'est un peu ce qu'on a fait à cette époque-là. Et là, on est en train de refaire la même chose en fait pour les élections européennes. Donc on travaille souvent comme ça, si vous voulez, avec des échéances comme les élections, mais on peut aussi travailler sur des sujets qui nous intéressent pendant l'année, indépendamment des élections, évidemment. Et c'est une publication pour prochainement ou... Ah oui, non, on espère... J'imagine, d'ailleurs, 29. Exactement. On espère mettre sur notre site, en effet, les préconisations en question. Donc, on s'organise autour de 4 ou 5 items et on va mettre ça sur notre site le plus rapidement possible, évidemment. Hein. Et voilà, mais on ne s'interdit pas de faire bien d'autres choses. Hein. C'est-à-dire qu'on publie aussi dans la presse, hein, à titre individuel ou à titre collectif, hein, voilà, donc on publie dans la presse nationale, on publie dans certains magazines que je ne vais pas citer parce que je ne vais pas en faire la publicité, voilà, donc on organise des conférences aussi, on fait des séminaires, enfin, on essaie d'être le plus actif possible, eu égard à la grande modestie de nos moyens, évidemment, puisque l'association, comme on le sait, est composée de bénévoles. Hein. Nous ne sommes pas payés pour faire ça. Nous faisons ça parce que nous sommes convaincus qu'il faut alimenter le débat public, participer au débat public sur l'industrie en France. Voilà. Oui, vous finissez par nous convaincre, parce que, j'ai trouvé ce document, le manifeste, très clair. En fait, en plus, il est divisé en trois points, le constat de la situation d'aujourd'hui, l'analyse et les préconisations. Alors, des préconisations variables selon les périodes, d'après ce que je comprends. Et donc, 12 parties, c'est pas rien, dont l'agriculture, dont des choses sur la numérisation. Et nous, on a retenu des choses qui nous intéressent particulièrement. C'est, on va essayer de les traiter, c'est l'État stratège et le politique industriel, l'industrie et transition écologique. On a déjà dit un mot dans la première partie, la question de Morgane. Et refonder l'entreprise pour émanciper le travail. Tous ces thèmes-là ont été un peu traités dans nos émissions précédentes. Une question de Didier. Une question plus précise sur le premier aspect. Donc, on parle de l'État stratège et de la politique industrielle nationale. On a parlé aussi de colbertisme ou de néo-colbertisme. Est-ce que, donc, selon vous, pour une réindustrialisation efficace, l'État a un rôle à jouer dans l'économie ? Oui, la réponse est clairement positive. Hein. Simplement, il y a un certain nombre de préalables, si vous voulez. Hein. Le premier préalable, c'est déjà de bien comprendre ce qu'est l'industrie. Hein. Et donc, l'industrie, ce n'est pas une simple somme d'entreprises industrielles. Ça, c'est une grave erreur qui a été commise. Hein. On a appelé ça à l'époque la politique des champions nationaux. Voilà. Donc, une industrie, c'est pas ça. Hein. L'industrie automobile ne se résume pas à soutenir deux constructeurs dans leur virage électrique. Je peux prendre n'importe quel secteur. Il ne s'agit pas d'appuyer de manière individuelle à coup de subventions, souvent qui se chiffrent en milliards d'euros, tel ou tel groupe, surtout quand on sait que les groupes en question ont tourné le dos à l'économie et à l'industrie française. Donc pour nous, soutenir l'industrie, pour nous, c'est-à-dire encore une fois une manifeste pour l'industrie, hein. Soutenir l'industrie, c'est considérer l'industrie comme étant un système, hein. C'est-à-dire faire en sorte que les entreprises industrielles coopèrent entre elles, faire en sorte qu'elles coopèrent avec avec la recherche française, faire en sorte qu'elle coopère avec l'appareil de formation, les lycées techniques en particulier, les BTS, les IUT, l'université aussi, hein, pourquoi pas, évidemment. L'apprentissage hein. aussi. L'apprentissage, oui, tout à fait. Ça, c'est une question absolument centrale. Hein. Donc, en effet, avoir une vision, je dirais, en disant un peu un mot pompeux, systémique de l'industrie. L'industrie est un système, hein, c'est pas une somme d'entreprises industrielles. Donc, développer des logiques de projet, par exemple, hein, plutôt que de soutenir des entreprises individuelles. Ensuite, la politique industrielle, ça ne peut pas être la politique qui a été suivie pendant très très très très longtemps et qui est encore d'ailleurs aujourd'hui, qui serait une politique de l'offre. Une politique industrielle, c'est pas diminuer les impôts sur les entreprises, alléger les prétendues charges sociales qui ne sont pas des charges sociales, mais des cotisations sociales qui est bien normal que les entreprises payent. Bon, voilà, d'ailleurs, elles payent sur le travail qui est réalisé par les salariés. Bon, voilà, donc, en réalité, une politique industrielle, c'est bien plus que ça. Alors, la question, c'est quel est le lieu et comment peut fonctionner une politique industrielle. Alors, moi, j'ai eu la chance extraordinaire d'être conseiller scientifique au commissariat général du plan entre 1994 et 2001. Alors, malheureusement, c'était le plan finissant. Hein. Le dernier. J'ai pas connu les riches heures du commissariat au plan, mais j'ai pu quand même voir comment, à l'époque, encore le commissariat au plan entre 1994 et 2001 fonctionnait. Et il fonctionnait sur la base de commissions. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que l'État n'est pas un acteur omniscient qui va définir à la place de tout le monde salariés, syndicats, et pourquoi pas d'ailleurs chef d'entreprise, la bonne stratégie. L'État est un lieu, finalement, où les stratégies concertées doivent être élaborées. C'est-à-dire, on doit être capable de mettre autour de la table, et on l'a fait en France, hein, on l'a fait longtemps d'ailleurs, hein, on doit être capable de mettre autour de la table en France les forces vives de la nation sur les questions industrielles comme sur les questions agricoles, et définir ensemble les stratégies qui sont nécessaires. Et une fois que ces stratégies concertées ont été construites, dans lesquelles les syndicats ont une place majeure, de mon point de vue, à jouer, hein, l'État met en œuvre les politiques qui ont été définies, en quelque sorte, pas de manière concertée. Donc il ne s'agit pas de confier les clés du camion à des bureaucrates dont on ferait l'hypothèse qu'ils sont omniscients et qui savent tout. C'est pas ça du tout. Hein. C'est l'État, c'est un bras armé. Mais ça ne doit pas être un bras armé des grands groupes, ça doit être le bras armé de la nation, ce qui n'est pas du tout la même chose. Hein. Oui, voilà. Et un peu plus loin, vous incitez beaucoup sur une politique territoriale aussi. Donc. Ah oui, tout à fait, parce que on oublie très souvent en France que l'industrie est ancrée territorialement. Hein. Je dis bien ancrée territorialement et pas localisée, hein, parce qu'il ne s'agit pas de jouer la carte nous-mêmes de délocalisation. Venez chez nous parce que la manœuvre n'est pas chère et vous aurez des fonciers autant que vous en voudrez. C'est pas ça. Hein. Quand je parle d'ancrage territorial, je veux dire par là que les entreprises peuvent trouver dans les territoires les compétences dont elles ont besoin. Si une entreprise ou un groupe comme Airbus n'ont pas localisé dans la région toulousaine et ailleurs en France, mais est ancré territorialement, c'est parce qu'il existe à Toulouse et ailleurs des écosystèmes qui sont constitués par les grands fournisseurs d'Airbus, qui sont constitués par le monde de la recherche dans l'aéronautique. Voilà, et c'est tout ça qui finalement crée un ancrage territorial qui est susceptible d'éviter les délocalisations. Hein. Donc, vous voyez, cet ancrage territorial est absolument central. On oublie souvent que l'industrie a une histoire et que l'ancrage territorial, c'est finalement quelque chose qui crée une pérennité dans le temps et en même temps une pérennité dans l'espace. Oui, ben dans une région comme la nôtre, celle du Nord, effectivement, Toyota s'est pas trompé en s'installant à Valenciennes, par exemple. Exactement, c'est tout à fait ça. Même si au départ, Toyota a pu être attiré par une offre foncière, par des friches industrielles et même par des exonérations, on le sait, hein, de cotisations et d'impôts, donc exonérations qui ont toujours une limite hein, dans le temps. Aujourd'hui, Toyota est implantée ou territorialisée plutôt à Valenciennes parce que autour de Toyota, il y a tout un ensemble de fournisseurs, de lycées techniques qui permettent à Toyota de, eh bien, de trouver les compétences que Toyota n'a pas. Et ça, c'est un élément qui est très important, si vous voulez, dans le fonctionnement de l'industrie. C'est qu'aucune entreprise, qu'elle soit grande ou petite, ne peut dire aujourd'hui qu'elle dispose en interne de toutes les compétences dont elle a besoin. Donc la question, c'est si elle n'a pas les compétences en interne, où est-ce qu'elle les trouve ? Et la réponse peut être une réponse territoriale. C'est d'ailleurs la meilleure des réponses possibles. Alors, si je considère que je regarde, j'ai toujours un œil sur la pendule, on va peut-être passer sur l'industrie et les transitions écologiques, sauf si on a un peu de temps, mais refonder l'entreprise pour émanciper le travail était quelque chose, est un chapitre qui nous a particulièrement interpellés. Oui, alors, si vous voulez, je vais lier les deux, d'ailleurs. Ah bah très bien, oui. Sur à la fois transition écologique et émanciper le travail, parce qu'en fait, c'est très lié. Hein. La transition écologique, c'est pas du tout le capitalisme vert, le greenwashing, la croissance verte, c'est pas ça du tout. Hein. La situation dans laquelle nous nous trouvons, certains économistes que j'admire beaucoup, hein, comme Michel Amilita par exemple, parlent de capitalocène. Donc on est bien dans pas simplement dans un anthropocène, c'est-à-dire dans une situation où l'homme, l'humain, plutôt transforme la nature. On est dans une situation où c'est le capitalisme qui transforme et qui dégrade la nature. Hein. C'est beaucoup plus précis de le dire comme ça. Alors, quel est l'enjeu ? L'enjeu, c'est pas de tout changer pour que rien ne change. C'est ce que le capitalisme tente. Donc le capitalisme, il tente de maintenir un modèle économique linéaire. Linéaire, ça signifie je prélève sur la nature, j'extrais, je transforme, je consomme et je jette. Donc, ce que le capitalisme tente de faire à l'heure actuelle, eh bien, c'est juste, on ne va pas jeter, on va recycler. Mais voilà, on ajoute donc au modèle de l'économie linéaire une petite boucle à la fin qui est, on peut continuer comme ça, mais continuer, on continue de produire comme ça, on consomme des plastiques, mais c'est pas grave, on va mettre en place des filières de recyclage. Alors c'est évidemment pas du tout dans ce sens-là qu'il faut assurer la transition écologique. Hein. Recycler, c'est bien. Mais si on peut ne pas recycler, c'est beaucoup mieux. Hein. Si on peut, par exemple, ne pas recycler nos bouteilles, mais les réutiliser, développer les consignes, c'est beaucoup plus intéressant que de casser la bouteille et d'introduire après une quantité d'énergie absolument incroyable pour refabriquer des bouteilles. Voilà. Donc là, il y a vraiment un gros problème. Donc, si vous voulez, quand on parle de transition écologique, en fait, le bon modèle alternatif à l'économie linéaire dont je viens de parler, c'est l'économie circulaire. Mais l'économie circulaire, c'est pas le recyclage. Hein. Le recyclage, c'est vraiment la solution la moins bonne, c'est la solution ultime. Bon, si on peut l'éviter, c'est beaucoup mieux. Donc je pense qu'il faut plutôt aller, on va dire, dans le sens de la réutilisation, du réemploi, hein, donc la consigne étant une des modalités. Et après, je pense qu'il faut aller vers la durabilité des biens. Hein. Il est tout à fait essentiel que les biens qui sont produits et qui sont utilisés, je préfère le terme d'utilisation au terme de consommation, d'ailleurs, parce que consommation, c'est la même chose que consommer, c'est la même chose. Hein. Donc, les biens qui sont produits et utilisés doivent être durables. Excusez-moi. Donc, ça, évidemment, ça s'oppose complètement à une logique de consommation débridée de biens non durables. Il s'agit de penser des biens pour qu'ils puissent durer, que les biens soient des lave-linges ou des vêtements, ils doivent être conçus pour durer, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, les biens ne sont pas conçus pour durer. Alors, on commence à... le capitalisme essaie toujours de trouver des micro-solutions, hein, qui vont pas dans le bon sens. Hein. Alors, on introduit, par exemple, un indice de réparabilité. Bon, c'est bien, mais il faut voir comment cet indice est calculé. Si l'indice de réparabilité il est calculé uniquement sur la disponibilité des pièces détachées, il est loin d'être satisfaisant. Un appareil qui est éco-conçu, c'est un appareil pour lequel l'utilisateur peut se dire qu'il a intérêt à le réparer. Or, très souvent, on n'a pas intérêt à réparer l'appareil parce que, tout simplement, la pièce qui est défectueuse, coûte trop cher dans son changement et donc c'est moins onéreux de remplacer plutôt que de réparer. Bon ben voilà, il faut pas aller dans ce sens-là, il faut penser la réparabilité, éco-concevoir l'équipement pour que voilà, donc il vaut mieux produire et utiliser des machines à laver en France qui seront plus chères que les machines à laver que l'on importe, mais qui doivent être beaucoup plus durables et pourquoi pas d'ailleurs garanties à vie. Alors on pourra toujours dire qu'elles seront plus chères. Oui, effectivement, elles seront plus chères à l'acquisition. Mais si vous achetez une machine à laver 1000 euros et que vous la gardez 30 ans, elle est beaucoup plus intéressante qu'une machine à laver que vous allez payer 400 euros et que vous allez garder 3 ans. Donc il y a un calcul à faire. Il y a un accompagnement à faire par le secteur bancaire, évidemment. Il faut aussi penser à la partageabilité de ces machines, parce que quand on habite un immeuble collectif, eh ben pourquoi donc chaque ménage devrait nécessairement avoir tous ses équipements? On peut aussi imaginer des équipements partagés. Voilà, donc je crois que la transition écologique, c'est tout ça. Mais c'est surtout pas le recyclage. Et j'ajouterais, et je vais arriver à l'émancipation du travail, j'ajouterais aussi les économies locales, c'est-à-dire développer les économies locales, faire en sorte que les produits que nous consommons, et pas seulement les produits agricoles d'ailleurs, hein, les produits que nous consommons ou que nous utilisons plutôt localement, bien, pourquoi ne serait-il pas produit localement en Occitanie par exemple? On a eu pendant la crise sanitaire une très forte utilisation de masques comme partout en France, et bien on s'est aperçu qu'on pouvait mobiliser des entreprises en les faisant travailler ensemble pour qu'elles puissent produire des masques. Et bien voilà, c'est une réponse en Occitanie à une demande qui était une demande au départ en Occitanie, effectivement, et après, bon, ben, ces masques ont été vendus évidemment ailleurs. Donc les boucles locales, surtout pour les produits alimentaires agricoles, sont essentielles, mais on peut envisager absolument des boucles locales, je parle d'économie circulaire là, pour bien des produits. Alors quel lien à faire avec l'émancipation du travail? Et on terminera là-dessus, oui. Voilà, donc j'espère que je ne suis pas trop long. Non, ça va très bien. Voilà. En fait, je crois qu'un de mes collègues a parfaitement donné la réponse, il s'agit d'Olivier Favreau, qui est d'ailleurs proche d'Attac, hein, et Olivier Favreau dit que finalement, ce qu'il faut développer dans les entreprises, c'est ce qu'il appelle l'éco-détermination. C'est-à-dire que si on souhaite effectivement que les entreprises prennent le virage de la transition écologique plutôt que celui de la transition numérique, eh bien, les meilleurs défenseurs, en quelque sorte, de ce virage-là, eh bien, ce sont les salariés eux-mêmes. Est-ce qu'on peut imaginer un instant, si vous voulez, que les salariés soient satisfaits de produire des biens non durables? Certainement pas. Les salariés, ils aiment bien faire leur travail correctement, ils aiment bien produire des biens utiles et des biens qui sont bons aussi pour la planète. Et les biens durables sont des biens qui sont évidemment beaucoup plus favorables à la planète que les biens qu'on a jetés au bout de 15 jours, 3 semaines, parce que leur qualité est tout à fait défectueuse. Donc la question de l'éco-détermination est une question tout à fait centrale. Et les salariés, ben, ils produisent des biens durables et ils veulent travailler dans des entreprises qui sont des entreprises durables, c'est-à-dire des entreprises pérennes. Voilà. Et tout ça eh bien, doit conduire logiquement à refonder l'entreprise. Refonder l'entreprise, et d'ailleurs même, je dirais, fonder l'entreprise. Pas nécessairement la refonder, mais la fonder. Pourquoi fonder et pas refonder? Fonder parce que tout simplement, dans le droit français, et vos auditeurs, j'espère, vont le comprendre, ou ils le savent peut-être déjà, dans le droit français, la catégorie juridique entreprise n'existe pas. Dans le droit français, la catégorie juridique qui existe, c'est la société. Absolument. Et la société, elle est représentée par ceux qui détiennent son capital, c'est-à-dire, s'il s'agit de grandes sociétés, ben, par les actionnaires. Donc l'entreprise comme telle, en tant qu'institution, dans le droit français, n'existe pas. Donc quand on dit reconnaître les salariés, oui, mais pour reconnaître les salariés, il faut reconnaître l'entreprise. Si vous ne reconnaissez que la société comme forme juridique, eh bien vous ne reconnaîtrez pas les travailleurs. Les travailleurs ne seront pas considérés comme étant des parties constituantes. La seule partie constituante actuellement dans le droit français, ce sont les actionnaires. Et ça, c'est dramatique. Donc il faut absolument créer cette catégorie juridique entreprise en disant article 1, l'entreprise existe. Article 2, la mission d'entreprise est de produire des biens et services utiles à la société. Article 3, les travailleurs sont une des deux parties constituantes de l'entreprise, l'autre étant les apporteurs de capitaux durables, pas les spéculateurs évidemment, etc. etc. Donc il y a un ensemble, il y a un texte de loi qui doit absolument émerger pour créer, pour fonder l'entreprise. Et si on fait cela, eh bien, on verra que les salariés, évidemment, ben, co-dirigeront l'entreprise, et c'est très bien comme ça, et cette entreprise prendra la bonne direction, en particulier celle de la transition écologique. Entendu. Merci. Et puis on pourra aussi, mais on n'en parlera pas, le partage de la valeur ajoutée et de l'excédent brut d'exploitation au profit des salariés et moins au profit du profit, si j'ose dire. Oui, parce que juste, si je peux me permettre un point là-dessus, c'est que les salaires dans la comptabilité actuelle sont considérés comme étant des charges, comme étant des dépenses, alors que dans une comptabilité rénovée, si la finalité d'entreprise est de produire de la valeur ajoutée, eh bien, cette valeur ajoutée, il est tout à fait normal qu'elle soit redistribuée. Et plus les salaires sont élevés, et mieux c'est. Alors que si on les considère comme étant des coûts, alors on ne peut que vouloir les réduire. Donc il y a un renversement à faire, et ce renversement passe par la fondation juridique de l'entreprise. Bien, merci Gabriel Colletis, merci d'avoir participé à notre émission. J'ai oublié de dire que tu étais professeur d'université en sciences économiques. Mais l'important, c'était le manifeste, je crois. Absolument, on est bien d'accord. C'est bien le manifeste qui a parlé et c'est pas ma petite personne. Merci, bon week-end. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci pour vos questions. Au revoir. Au revoir. On veut du On veut des tours d'avion, des Airbus, du diesel, des mandarines toutes les saisons, des grands voyages dans le ciel, du high-tech à la maison, de la nouvelle technologie. On veut pouvoir dire pardon et soulager son esprit. On veut de la viande d'Argentine, de la biloche à tous les repas, de la world food dans la cuisine. On veut du sucre, on veut du gras, on veut moins cher, on veut meilleur, on veut toujours un peu d'ailleurs. On veut la mer, on veut l'été, même en hiver, on veut bronzer. On veut du C'est nous les As, les Pinocchio du marketing. On veut du greenwashing. On cache les galets sous le sable, on veut des plages de sable blanc. Du réseau pour nos portables, on voudrait 4 bars tout le temps. Des orgies raisonnables, des grands échangeurs de béton et des amis toujours joignables. On veut des baleines et du thon. On veut du greenwashing. On veut de l'eau toujours qui coule et des rides un peu moins creusées. On veut de la jeunesse en poudre et puis de la neige en été. Des grands buildings sous le soleil, des monuments pharaoniques. On veut partout, partout pareil, de la wifi, du numérique. On veut du green, green, green, green, green, greenwashing. C'est nous les As, les Pinocchio du marketing. On veut du green, green, green, green, green, greenwashing. On veut des lessives sans phosphate, des shampoings tout organiques. Des forêts pour nos 4x4, du charbon dans nos cosmétiques. Des slogans abusifs, plus blanc que blanc, plus vert que vert. Mascarade écologique pendant qu'on shoot au nucléaire. On veut du green. Donc c'était Trio Greenwashing, vous êtes bien sur Radio Campus 106.6, campuslille.com et DAB+, et c'est l'émission Angle d'Attaque, et donc on passe aux actualités d'Attaque. Avec Didier. Les actualités donc du 23 au 25 août prochain, Attaque tient son week-end de réflexion stratégique à Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée. Donc, au programme, des discussions sur les orientations d'attaque pour 2025-2028, avec la réforme des statuts et des grands enjeux associatifs internes. Oui, ben ça va discuter sec. À Marseille, on va aussi discuter. Ce n'est pas une université d'été, c'est fin avril. En préparation des Jeux Olympiques, non, je déconne. C'est des journées réunissant des mouvements sociaux européens en vue de préparer les prochaines mobilisations et mettre en commun des réflexions et des actions au niveau de l'Europe. Alors, la campagne Super Profit Ultra Riche Méga Injustice, donc ça dit bien ce que ça veut dire. Une nouvelle campagne d'attaque dont le coup d'envoi a été le déploiement le 24 février d'une banderole géante Tax the Witch sur la façade du futur hôtel LVMH. Donc, il y a eu quelques arrestations, des gardes à vue et des possibles condamnations. Donc, c'est une affaire à suivre. Oui, il y en a une au moins. Et en tout cas, la campagne indique clairement les pistes, les 6 mesures pour récupérer 60 milliards d'euros aux multinationales et aux super-riches. Tous les détails sur le site de france.attaque.org. Le manifeste des Rosies. Les Rosies, ce sont des militantes féministes d'attaque qui ont été très visibles par leur chorégraphie et leur chant en début de manif. Elles se sont inspirées du costume de Rosie, la rifteuse à Bloodshoff et Bandana. Donc, il y a un code couleur très précis, une code bleue. Voilà. Le livre sort en librairie, un manifeste pour des manifestations joyeuses et festives, mettant en avant le rôle des femmes et des travailleuses. Alors, sorti d'un nouveau numéro de la revue Les Possibles, la revue du Conseil scientifique d'attaque, au sommaire, le sens du travail, les classes populaires et la loi immigration. Avec un article de Patrice Grevet qui est venu à notre émission en octobre. Pardon. Sur l'affaire Le Guay, donc 6 mois de prison avec sursis pour le commissaire Sushi, le fameux commissaire qui avait ordonné la charge en tant que donneur d'ordre dans l'affaire de cette militante d'attaque molestée par la police dans le cadre d'une manifestation des Gilets jaunes à Nice. Deux militantes des Rosies sont en revanche inquiétées après une manifestation symbolique de désobéissance civile devant l'Assemblée nationale. Elles avaient osé mettre un peu de craie sur les murs, avec procès et amende, donc attaque fait appel. 100 ans de chaos total, avec un T majuscule pour Total, agir pour la justice sociale et écologique le 25 mars. Enterrement symbolique de Total et des énergies fossiles organisé par le collectif Stop Carnage et Stop Total avec Attaque. La cérémonie aura lieu aux Arches Citoyennes, place de l'Hôtel de Ville à Paris. Et local maintenant. Alors du global, on passe au local, donc avec un collectif santé qu'on essayait de faire vivre au niveau des trois attaques, à l'initiative des trois comités. Donc première réunion de ce collectif, ce qui se tiendra ce lundi 18 mars à 18h30 à la Falle de Roubaix, 20 rue de Lille. Un collectif qui vise à sensibiliser et à mobiliser le grand public sur les questions de santé publique, hôpital, sécurité sociale et protection sociale. On préparera aussi les européennes à attaque en visant notamment l'extrême droite. Sur le GPI, donc c'est-à-dire sur les états généraux de la presse indépendante, donc attaque et partenaire des états généraux qui auront lieu le 3 avril à 18h à l'ESJ. Médiacité en est l'organisateur. L'objectif est de réfléchir collectivement aux médias que nous voulons. D'ailleurs, Jacques Transeau de Médiacité, qui pilote l'événement, sera invité à notre émission du 30 mars. En effet, pour le transport gratuit, plusieurs communes du Pas-de-Calais, trois d'ailleurs, se sont prononcées pour la gratuité des transports en commun. Ça nous conforte dans notre proposition de réfléchir effectivement au transport. Attaque était également présent en soutien à NADA le 13 avril. Le 13 mars. Elle sera en soutien également le 25 mars. Par le soulèvement de la terre. Il s'agit de NADA, vous rappelez, c'est effectivement rester sur terre, non à l'agrandissement de l'aéroport de l'île des Quins. Alors des ciné-débats, donc il y a une soirée à Templeuve le 28 mars avec le film Tu nourriras la terre, donc il y aura la Confédération paysanne et Terre de Liens qui co-organise. L'usine Le Bon, la Brute et le Truand, donc ça passera au Kinopanorama un samedi d'avril, la date n'est pas encore fixée. Et un partenariat entre Attaque Lille et l'Univers, le cinéma Univers à Lille, nous permettra d'organiser des projections à l'avenir. On peut déjà retenir la date du 25 juin avec Les Doléances, un film d'Hélène Desplanques sur les cahiers de doléances rédigés par les Gilets jaunes. Et puis je termine avec les AG d'attaque des comités locaux, les comités locaux de la métropole lilloise. Le 8 mars à Lille, le 2 avril à Roubaix et le 12 avril à Villeneuve-d'Ascq. Non, c'est l'inverse. C'est ça. 2 avril à Villeneuve-d'Ascq et 12 avril à Roubaix-Tourcoing. Ok, voilà. À toi, donc, Florent. Oui, on passe à l'agenda militant. Donc, l'atelier d'histoire critique vous invite à une rencontre avec la géographe brésilienne Larissa Bombardi, autrice de Pesticides, un colonialisme chimique. Les pesticides font tristement partie de notre quotidien car ils sont présents dans l'eau et l'alimentation et de toute la population, ou presque. Et dans nos urines. Oui, cet usage massif, nocif pour la santé humaine et l'environnement, est une conséquence directe de la mondialisation de l'agriculture, de la concentration foncière et de la main basse de l'agro-industrie dans la politique. Le Brésil en fait le parfait exemple. Il est le plus gros consommateur mondial de ces substances. Comment est-ce possible qu'un unique système agroalimentaire domine physiquement et idéologiquement toute la planète ? Et donc l'autrice analyse cette guerre culturelle appelée agrobusiness et déconstruit le mythe de la révolution verte, fausse solution au problème de la faim. Car n'oublions pas que derrière la biotechnologie et de la fast tech se cache un colonialisme chimique. L'Europe exporte ses poisons qu'elle ne veut plus chez elle et qui intoxique les terres étrangères, rendant malades les corps et les esprits. La seule sortie possible proposée sera l'agroécologie. Donc ça sera au café coopératif Les Sarrasins, rue des Sarrasins à Lille, et c'est cet après-midi à 15h. À l'occasion de la trêve hivernale des expulsions locatives, la traditionnelle manifestation régionale pour le droit au logement aura lieu le samedi 30 mars à 14h30, Grand Place de Lille. Et donc mobilisons-nous pour revendiquer une trêve éternelle et l'accès à un logement digne pour toutes et tous. À la suite de cette manifestation, l'APU de FIV organise pour ses 10 ans des concerts avec Alarsen Lupin Trio, Moano, Stamif, Barlin, Knup et DJ Malpoucha. Et donc, ça sera à la Bourse du Travail de Lille, à 254 boulevard de l'Usine. Et donc, la veille, l'APU de FIV organisera également une discussion intitulée « Expulsion, exploitation, bétonisation, les JO de la violence ». Derrière la promesse de rayonnement culturel et de la liesse populaire, les Jeux Olympiques 2024 sont surtout l'occasion de refaire la ville et d'en exclure les classes populaires. Discussion croisée pour comprendre les premières conséquences de ces Jeux et celles à venir. Elle sera également à la Bourse du Travail le 29 mars à 18h30. Et pour finir, conférence avec Cédric Philibert autour des éoliennes, pourquoi tant de haine ? Les éoliennes ont mauvaise presse, on les accuse de dévaster les paysages, de tuer les oiseaux et les vaches, de bétonner les terres et coûtent cher aux contribuables, de polluer, etc. Et même de favoriser l'usage des énergies fossiles en raison de leur intermittence. Ces accusations soutiennent généralement un plaidoyer en faveur d'une forte relance nucléaire, énergie décarbonée. Tous ces arguments, Cédric Philibert les passe au crible et de nombreuses données chiffrées. Il apporte ainsi de réponses documentées aux interrogations légitimes du public, mais pourfend également une vaste entreprise de désinformation, une coalition d'intérêts économiques et purement politiques. Et donc, ça sera le jeudi 18 avril à 18h à Sciences Po Lille, Neuvry-Angélé. Et donc, vous pourrez retrouver tous ces rendez-vous et bien d'autres sur le site lille.demosphère.net. Et donc, dans un instant, restez sur Radio Campus avec le magazine de Radio Campus, avec un interview d'un poète local. Et Ansar. Voilà.